Bienvenue pour cette visite des locaux de la Hors Cadre Corporation. Je vous demanderai de ne pas prendre de photos et de présenter votre badge visiteur avant de commencer. Voilà, merci, nous pouvons commencer. À droite, voici notre service relation presse. Non, mais vous savez, remplacer Bouvard pour les grosses têtes, ça nous intéresse pas. Dis-leur d'appeler Ruquier à la place. Écoutez, appelez Laurent Ruquier, il sera certainement plus intéressé. On continue la visite de ce côté-ci. Vous pouvez voir l'équipe design à l'œuvre pour le visuel de la prochaine émission. Non, Randall, ça suffit. On arrête de mettre des renards partout. Ouais, c'est cool les renards. On va les laisser tranquilles, ils ont beaucoup de travail. Continuons. Nous passons devant la machine à café où vous pouvez voir les stagiaires de 3ème. Oh, le vieux merde avec ses vannes pourries. Ouais, et l'autre là, c'est trop Apollo, c'est avec sa pute de vie. Laissons la ces jeunes pleins d'avenir pour se diriger vers le bureau des créatifs. Nous pensons qu'un poisson m'a happé le pied au-dessus de l'océan. Où il y a du poisson? On trouve des pingouins. Mais attention, le poisson est l'aliment des chats. C'est peut-être la femme chat. Oui, et ce requin piégé, c'était un coup de poker pour m'abattre. On va les laisser tranquilles, ils ont beaucoup de travail. Continuons. Et à gauche, nous avons le studio d'enregistrement, où toutes ces fabuleuses émissions sont enregistrées. Et c'est donc à ce moment-là que l'idée des sandwichs aux essuie-glaces est apparue. Ah, d'accord. Et les galipeurs? Bah, c'est pas garanti. Et derrière cette porte, voici les têtes pensantes, les Big Boss. Bon là, on est encore charrette pour le prochain épisode, il va falloir penser à embaucher. Ouais, ça devient compliqué d'être que deux pour tout faire. On va embaucher, hein. Ouais, c'est toi ou moi qui s'occupe de la compta, au fait? Du coup, c'était moi. Ah, et du coup, on a le budget, quoi? Bah, non. Voilà, vous connaissez maintenant les entrailles de la Hors Cadre Corporation. En sortant, vous trouverez la boutique de souvenirs avec nos superbes pins parlant de Randall Flagg et Perentoire. C'est pas Perentoire qui va me contredire. Moi, j'ai deux passions dans la vie. Ouais, bon, c'était bizarre cette visite. Ben, tu trouves pas que les gars, ils se ressemblent tous? Ah, et t'as pas tort, en plus, ils me rappellent tous les deux quelqu'un. Bienvenue dans Cadre, l'émission qui... Nous sommes en février 2015 et Laurent Ruquier présente les grosses têtes. Bonsoir, bienvenue dans cet épisode 4. Alors j'ai écrit 4 en majuscule parce que c'est tellement merveilleux. 4 de hors cadre avec le magnifique, le fabuleux Randall Flagg. Mais c'est bien moi, oui, bonjour péremptoire. Et oui, on perd pas les bonnes habitudes parce qu'avec l'alternance c'est moi qui présente. Et, oui. Et j'ai un petit fun fact pour toi. Cela fait très précisément 449 jours, soit 1 an, 2 mois et 22 jours que l'on a sorti le dernier épisode, l'épisode 3. Alors, Randall Flagg, les gens demandent des explications. Que s'est-il passé? Eh bien, il s'est passé un certain nombre de jours, en fait. Tout simplement. Exactement. Est-ce que tu es d'accord avec cette analyse? Ah, moi, je suis complètement d'accord. Donc, On a décidé de changer un petit peu la formule. Ouais. L'alléger légèrement. Ouais, donc dorénavant, on va faire que 2 sujets. Un de plus par invité, si on en a. Donc, voilà. 2 sujets par personne à chaque fois. C'était compliqué à caser donc par rapport au thème. Donc maintenant, on va faire un thème par personne parce que c'est plus court et parce qu'on est des feignants. Voilà. Oui, surtout toi. Voilà. Et donc, et moi. Sur ma fiche, j'ai marqué les derniers commentaires, mais je ne les ai pas relevés. Alors, ce sera pour dans 1 an, 2 mois et 22 jours. Mais je pense que la dernière personne qui a commenté est décédée de vieillesse. Oui, alors on avait des commentaires d'un peu tout le monde. Irslo, je ne sais plus... Oh, il a encore envie. Irslo, bah, il est là. Je crois qu'Irslo nous avait laissé un commentaire... Et Musica, enfin les habitués. Les habitués, ouais. Comme d'habitude. Ouais, bon. Bon, est-ce qu'on passe au sommaire? Tiens, on va passer au sommaire. Allez, c'est parti. Ça marche. Dans cet épisode de Hors Cadre. 1886, une érection pour la liberté. Oui, mais quelle splendeur, oui. 1923, chérie, je prends la brouette, je dois passer à la boulangerie. Eh, tu prendras une baguette, pas trop cuite. Randall Flagg, ça va être à toi avec ton premier sujet, ton seul sujet même, est-ce que tu es prêt? Mais oui, je suis prêt. Alors ça, c'était le Claude Nougaro avec Lady Liberty. Et oui, Lady Liberty, car je vais vous parler d'un truc qui est la Statue de la Liberté. Et oui, la Statue de la Liberté, pourquoi ? Puisque notre thème de ce podcast qu'on n'a pas évoqué... Ah oui, c'est vrai. Et oui. J'ai pas été bon, là. C'est l'argent, les gros sous, le pognon. Le pognon. Voilà. La fraîche, la maille. La maille. Et donc, je vais vous expliquer un peu comment s'est passée la construction de la Statue de la Liberté, car il y a quelques faits assez intéressants qui vont peut-être te rappeler des choses récentes. Alors, d'abord, commençons par la genèse. Comment ça se passe ? En fait, en 1865, à Paris, un certain Édouard de la Boulay, c'est un juriste... Ah, est-ce que c'est un descendant direct de Stevie Boulay ? Oui, de j'attendais. Des grosses têtes, oui. Bien sûr, c'est lui. Enfin, ce serait plutôt un ancêtre. Un ancêtre descendant. Direct, voilà. Oui. Mais non. Et donc, c'est un juriste à cette époque qui adore tout ce qui s'est passé à la fin de la guerre civile en Amérique. Il est super fier de ce qu'ont fait les États-Unis, de la création de leur système démocratique et de l'abolition de l'esclavage. Donc il organise un dîner en espérant pouvoir trouver un moyen de marquer le coup envers ses compatriotes américains, enfin ses compatriotes, ses amis américains. Évidemment, il fait ça un peu en secret parce que en France, on est encore sous le régime du Second Empire, sous Napoléon III. Ouais. Donc bon, on évite de parler scred, de son public. En scred, il fait ça. Parmi les convives, il y a un certain Bartholdi, un petit sculpteur de 31 ans. Claude. Voilà, bien sûr, aussi. Voilà. Et Bartholdi, lui, il écoute les yeux écarquillés tous ces hommes d'influence, parce que pour lui, c'est un peu nouveau. Tout il ça. Écoute les yeux écarquillés. Il écoute avec les yeux écarquillés. Avec les yeux, oui. C'est ce que j'ai dit. Ça oui, se tient, voilà. Ça se tient. Oui, bon, ça va. Voilà. Donc, c'est juste, ils essayent de trouver un moyen de donner de la part de la France une reconnaissance à l'Amérique, mais bon, ça reste un petit peu des paroles pour l'instant. Bartholdi, du coup, part en Égypte. On lui commande d'ailleurs un phare à... Aon ? Un phare à Aon. Un phare à mettre à l'entrée du canal de Suez. Donc il commence à faire des plans d'une statue porteuse d'eau avec le bras levé. Ah. Il y aurait une torche. Un gros air familier, ça te rappelle peut-être un truc ? Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant j'en attends plus, j'attends d'en savoir plus. Voilà. Bon, en 1869, ce projet a avorté. Donc lui, il a toujours en tête cette histoire d'Édouard de la Boulay qui disait qu'il faudrait qu'on trouve une solution, un monument à céder aux Américains. Donc il part aux États-Unis pour voir comment il pourrait financer le projet d'une statue un peu pareille, mais pas dans la même symbolisation, plutôt dans la symbolisation de la liberté. Il va faire le tour des États-Unis, il est halluciné par ce qu'il voit, et il va voir les forêts de séquoia, il va voir que tout est énorme là-bas, et donc ça lui donne l'idée de faire une statue énorme. Il repère d'ailleurs, en arrivant sur New York, une petite île à côté de New York, et il se dit, s'il y a un truc à construire, ça sera là. Et, oui. Et voilà, le problème, maintenant on va attaquer le pognon. Comment financer tout ça ? Ah, enfin, parce qu'on parle de pognon quand même, hein, ce soir. Bah oui, c'est l'idée quand même. Eh ben, voilà, là, c'est la cata. Tous les gens qu'il va voir aux États-Unis, les gens un peu fortunés, les millionnaires, nouveaux millionnaires capitalistes de là-bas, ne sont pas prêts à payer pour un truc qui ne rapporte rien. Mais oui. Et donc, c'est la cata. Mais heureusement, de retour en France, les choses ont bien changé en France. La République est de nouveau en place, fragile. Du coup, cette idée a fait son chemin. Édouard de la Boulay va donc recontacter Bartholdi. Ils vont décider de bosser ensemble pour créer ce symbole. Alors, Édouard de la Boulay et Bartholdi se mettent d'accord pour faire une statue de 46 mètres, mais d'arriver à ne la faire financer par aucun gouvernement. Ah oui. Donc, il va commencer à demander à beaucoup de gens fortunés un espèce de financement participatif. Il a fait un Patreon de la liberté. Presque. Oh, il a fait un crowdfunding avant Ulule. L'heure. Un Ulule de la liberté. Ulule. Bon, un crowdfunding assez limité, puisqu'il faut quand même... le but du jeu est d'avoir des gens assez fortunés pour le payer. Mais d'ailleurs, la facture est énorme, elle n'arrête pas de grimper au fur et à mesure, mais ils arrivent à trouver des gens, aussi bien des gens fortunés, mais aussi des conseils régionaux, d'un peu tous les départements de France qui sont prêts à donner une partie de la somme. Donc au départ, le but c'est quand même de monter cette statue pour 1876, le centenaire de l'indépendance des États-Unis. Mais ils n'y arrivent pas, ils n'arrivent pas à être dans les temps. Donc, Et puis Bartholdi commence à voir que faire une statue de 46 mètres, c'est pas comme faire une statue de 3 mètres. Et donc il va demander l'aide d'un certain Viollet-le-Duc. Alors, je ne sais pas si c'est la couleur violette, parce que je suis daltonien. Je le fais avant toi. Et qui, déjà, il s'aperçoit qu'il ne pourra pas la faire ni en bronze, ni en pierre, ça serait trop énorme, il faut qu'elle soit démontable. Il pense même à faire du cuivre martelé, mais ça serait trop fragile. Ah, si ça prend l'eau... Voilà, c'est pas très simple. Et donc, il retourne aux États-Unis pour le centenaire, et puis il faut, maintenant, il va falloir faire marcher la machine publicitaire pour arriver à vendre son idée. Il n'a pas le temps de finir la statue, bien sûr, mais par contre, il va arriver... avec 2 mois de retard quand même, là-bas, avec le bras de la Statue de Liberté et la torche. Ah bah oui. Il va faire traverser par bateau, il arrive là-bas, il va le présenter à Philadelphie lors d'une exposition à l'automne, et c'est énorme, tout le monde trouve ça fantastique. Les Américains prennent enfin la mesure de ce que c'est, qu'en voyant la taille du bras, ils disent « Ah oui, quand même, c'est pas la petite statue à 2 balles qu'ils essayent de nous vendre, c'est un bon truc. » C'est le coup de buzz parfait. Donc, du coup, Bartholdi rentre en France, rassuré de tout ça. Et pendant l'exposition universelle en France de 1878, la tête de la statue est montrée. Grand succès aussi, ça y est, le projet est très très bien parti. Putain, ils ont vendu un truc en DLC, quoi. C'est ça. Ils ont vendu en Early Access, même. Et oui, carrément. Ils ont fait un Early Access. Et là, c'est la cata. Viollet-le-Duc meurt sans laisser ni trace de ses plans ni directives. Oh bah non. Mais heureusement arrive... Gustave Eiffel des ponts jusqu'à présent, mais qui est un grand expert de structures métalliques, et un génie, puisqu'il va construire une structure finalement en forme de pylône avec des branches, un peu comme un arbre si tu veux, pour tenir tous les étages du truc. Ouais. Et c'est ce qui donne la souplesse et la stabilité de la statue. D'ailleurs, petit aparté, en 2012, il y a eu l'ouragan Sandy, je sais pas si tu te souviens, aux États-Unis. Oui. Et sur Liberty Island, tous les bâtiments modernes ont été ravagés. La statue, elle n'a pas bougé d'un poil. Elle est capable de se balancer de 8 à 12 cm ouais, quand même. Sur elle-même. Enfin, elle fait à peu près ce battement-là. Et du coup, la souplesse de la structure fait qu'elle est incassable. D'ailleurs, Eiffel avait dans l'idée qu'elle durerait 1000 ans. On n'y est pas encore. Donc Gustave Eiffel rentre dans le jeu. Mais là, c'est la cata. Encore ? Et oui, cette fois, c'est Édouard de Laboulaye qui meurt. Oh. Principal commercial, on va dire, du projet. Mais heureusement arrive, un vieux bonhomme, un type très fatigué, très malade, qui a envie de soutenir le projet et qui va visiter la Statue de la Liberté qui est bientôt finie. C'est un certain Victor Hugo. Oh, carrément. Ouais, c'est sa dernière sortie publique, ça sera ça. Vivi. Et en fait, le fait que Victor Hugo se soit rapproché du projet a relancé, a redonné confiance à tous les gens qui étaient dessus. Donc la Statue de la Liberté, c'est fait. Mais il y a encore un problème. L'argent. Le piédestal. Ah ben oui. Et le piédestal, depuis le début, c'est prévu que c'est les Américains qui doivent financer de leur côté. Et là, c'est la cata. Les États-Unis n'ont aucun argent à y consacrer. Mais heureusement arrive, un certain Joseph Pulitzer. Joseph Pulitzer, à l'époque, est propriétaire, enfin actionnaire d'un journal là-bas. Et il aime bien le projet. Et puis, il faut savoir que le piédestal, ça coûte quand même une fortune. Ça fait la hauteur de la Statue de Liberté. Hein. Ça fait 1 mètre de plus, même qu'un Statue de Liberté, 47 mètres de haut, et c'est pratiquement aussi cher à construire. Donc, Pulitzer, il voit aussi une opportunité, parce qu'à ce moment-là, il y a une espèce de grosse concurrence entre 2 journaux, là-bas. Le sien et celui d'un autre, et il se dit, il faut que j'en profite pour essayer de booster un peu mon journal. Et donc, il va créer une souscription. Toute personne qui donnera au moins un penny aura son nom qui s'affiche dans le journal. Le premier crowdfunding avec contrepartie. Ah, oh, c'est génial. Ah, ça me rappelle tous les Patreons ou les trucs comme ça. Mais c'est exactement ça, parce qu'en fait, là, du coup, tout le monde, mais vraiment tout le monde, du cordonnier du coin, enfin, tu vois, au plus riche du pays. Genre, mets ton pseudo dans le générique, et ben non, là, c'est sur le piédestal. Exactement. Non, pas sur le piédestal, dans le journal de Pulitzer. Et ça marche super bien, puisqu'en an, il manquait 100 000 dollars, ce qui à l'époque est une énorme somme. Il a réussi à les récolter par le peuple. C'est génial. C'est absolument génial. Voilà, la statue est enfin financée. Tous les sous-sous sont dans la popoche. Et donc, le piédestal est construit aux États-Unis. Mais il reste un truc quand même, c'est que la statue est encore en France. Oui. Et il va falloir la ramener aux États-Unis. Alors, il ne reste plus que ça à faire. Donc, il faut récupérer les 350 morceaux. C'est un puzzle de 350 pièces. Ouais. Ils sont embarqués sur un énorme bateau à vapeur. Alors, pour le coup, là, c'est le gouvernement qui a financé le bateau. Pour une fois, ils auront payé quelque chose. Réglo, quand même. Voilà, réglo, ouais. Mais là, c'est la cata. Oh, putain. C'est la tempête. Une énorme tempête. Pendant 27 jours, on va perdre trace complètement du bateau. Aucune nouvelle pendant 27 jours, on ne sait pas. On pense le bateau perdu. Mais heureusement, au bout de 27 jours, qu'est-ce qui arrive ? le bateau arrive à New York. Qui sort de la brume en direction de New York. Ah ouais, j'imagine trop. Et personne n'avait entendu parler, évidemment, de ce qui s'était passé. Et bien en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une grosse tempête, comme j'ai dit. Et pendant la tempête, le bateau a dû brûler tout le charbon pour résister à ça. Et donc, ils ont fini à la voile. Et donc, ça leur a pris un temps fou. Et voilà, tout arrive là-bas. Et c'est lors de l'inauguration qui a lieu donc le 28 octobre 1886. Bon, évidemment, vu que l'île n'est pas très grande et qu'en plus, à l'époque, c'est un petit peu, comment dirais-je, sur invitation là-bas. Dans l'île, il n'y a que des natifs américains, que des blancs, que des mâles, aucune femme. Ah oui, d'accord. Et il n'y a même pas Pulitzer qui a quand même participé au truc. Parce que quand même, Pulitzer, il ne faut pas oublier qu'il était un peu d'origine autrichienne. Hein, donc, et voilà. Donc c'est un peu... Ah bah oui. Par contre, du coup, tout le peuple va se retrouver dans des bateaux tout autour de l'île. Tout autour de l'île va être couvert de bateaux avec des gens dedans qui viennent admirer l'inauguration. Et il y a même des suffragettes qui vont en profiter pour faire des manifestations aux haut-parleurs, enfin aux porte-voix du moins, dans les bateaux. Et par contre, ce qui est marrant, c'est que personne n'a jamais eu aucune photo de cet événement, aucune photo n'a été prise à l'époque. Ah, ça c'est louche quand même. Voilà. Et voilà, la statue est enfin posée et tient depuis si longtemps. Et donc le symbole de la liberté, parce que c'est vrai que c'est le symbole qu'on voit par exemple quand, dans les jeux vidéo ou dans les films, dès qu'on voit que les États-Unis sont attaqués ou mal en point, voilà, c'est tout de suite la statue de la liberté. La statue de la liberté qui prend. Ouais. Genre Homefront et tout, le jour d'après. La planète des singes. Ouais. Voilà. Ah, c'est fou ça, le Patreon. Ah, ça me fait rire. Tu te rends compte, il y a eu deux financements participatifs, dont un avec contrepartie. Ah, c'est très marrant. Ça. La statue hors cadre. Ouais, on va faire une statue hors cadre, je suis bien d'accord. Ah bah très bien. Et voilà. Bon, bah ça va être à mon tour, avec mon petit sujet, et attention. Oui. De quoi vas-tu nous parler ? Parole de Rachida Dati sur une musique de Georges Hamel, L'Inflation. Et de plus en plus, ces fonds d'investissement étrangers ont pour seul objectif la rentabilité financière à des taux excessifs. Moi, quand je vois certains qui demandent des rentabilités à 20-25% avec une inflation quasi nulle, et en particulier en période de crise, ça veut dire qu'on casse des entreprises. Et oui, l'inflation, même l'hyperinflation, la ah grosse oui, inflation... Cette phrase de Rachida Dati a fait les gorges chaudes. Ah bah attends, et forcément, moi je la réutilise, hein, parce qu'il n'y a pas de respect. Alors, l'hyperinflation, alors imagine-toi, nous sommes en Allemagne en 1923, où tu sors tranquillement de chez toi pour aller chercher du pain... Tu rentres dans la boulangerie, tu fais « Bonjour madame la boulangère, je voudrais une bonne miche de pain ». Ce à quoi la boulangère te répond « Oui, ça fera 3 milliards de Deutsche Mark, s'il vous plaît ». Et là, tu dis « Bien sûr madame, où dois-je déposer mes brouettes pleines de billets ?» Et oui. Voilà, c'est un petit peu l'idée, mais je pense que tu as compris. Ouais. L'hyperinflation, pour faire simple, c'est, parce que je ne suis pas économiste, et je vais sûrement dire des grosses conneries, voilà, c'est une forme d'inflation avec une hausse des prix qui est extrêmement rapide, et c'est tellement rapide que ça a tendance à faire baisser la valeur de la monnaie, et après ouais. C'est tout un bordel. Et donc ça, en fait, une inflation si élevée que c'est incontrôlable, en fait. On parle réellement d'hyperinflation parce que quand les prix augmentent de plus de 50% par mois, et encore, c'est gentil, hein, 50% par mois. Et donc, généralement, les pays qui sont confrontés, c'est parce qu'il y a une crise monétaire, économique. Ouais. Alors, parmi les causes qu'on peut identifier, bon, il y en a plein. Hein. C'est par exemple un contexte politique difficile quand il y a une guerre civile, une crise économique, ou par exemple une dette publique élevée, par exemple. Ouais. Ou l'impossibilité pour un État d'emprunter à l'étranger pour rembourser ses dettes. Donc il y a plein de choses qui s'accumulent comme ça. C'est plein de choses que je ne maîtrise pas. Mais les conséquences, par exemple, c'est une flambée exceptionnelle des prix des produits de première nécessité. Donc du coup, on va avoir un retour au troc parce que, si tu veux, on n'arrive plus à émettre assez d'argent pour répondre à la demande. D'accord, ouais. On n'arrive plus à imprimer assez de billets pour satisfaire, pour s'acheter. Et puis si j'ai bien compris, à partir du moment où un État commence à faire tourner les planches à billets... C'est foutu. C'est des trucs qui sont exponentiels, tu vas voir. Voilà. Et là, où je vais en venir, c'est pour répertorier un petit peu tous les grands cas d'hyperinflation, et aussi loin que remonte Wikipédia. j'en ai trouvé en France en 1718, c'est le premier cas d'hyperinflation. Voilà. Ouais. Mais j'ai plutôt parlé de l'Allemagne, le cas de l'Allemagne après la Première Guerre mondiale. Là, après la Première Guerre mondiale, il y a le traité de Versailles qui condamne l'Allemagne vaincue à payer les réparations, et des grosses réparations, bien sûr. L'État va financer les paiements en créant de la monnaie, ça va provoquer une hausse des prix, et comme les prix augmentent rapidement, chacun va essayer d'acheter tout de suite, au lieu de peur d'acheter plus cher après, donc les prix flambent tout de suite, tu vois. D'accord. Et donc, ça va conduire à l'hyperinflation, les prix vont augmenter très vite, et ils sont multipliés par 1000 milliards entre 1913 et 1923, donc en... en, en 10 ans, il y a 1000 milliards d'augmentation de prix. C'est sympa. Ah oui. Et donc, c'est en fait, la monnaie est tellement dévaluée que déjà, il faut des brouettes pour acheter une baguette, ouais. Tu vois, par exemple. Et en fait, elle perd sa fonction de monnaie parce qu'il y a des exemples où on voit des femmes qui brûlent des grosses liasses de billets dans les cheminées parce que c'était... Ça coûte toujours moins cher que le bois. C'est moins cher de brûler des billets que d'acheter des bûches de bois, tu vois. Voilà, ça, j'ai trouvé ça bien marrant. Et donc, le 15 novembre 1923, ils ont fait une réforme monétaire pour casser un petit peu la spirale inflationniste et ils ont remplacé le Reichsmark par le Rentenmark. Donc, ils ont changé le multiple. Hein. Discrètement. Donc, un Renten... Voilà, tu vas voir que c'est quasiment tout ce que tout le monde fait. Et donc, un Rentenmark vaut 1000 milliards de Reichsmark, tout simplement. Voilà. Et donc, l'hyperinflation qu'on a vue aux États-Unis, en Allemagne, ça a provoqué... C'est un des facteurs qui a provoqué la montée du chômage et les mouvements extrémistes comme le parti nazi d'Adolf Hitler. Donc ça a participé... Adolf qui ? Adolf, le petit chat est mort. Ah, d'accord. Voilà. Et donc, on continue notre tour du monde avec la Chine entre 1939 et 1950, parce qu'il y avait une guerre civile entre les communistes et les nationalistes. Ah oui. Et donc, les communistes souhaitaient détruire le régime en détruisant les ressources du pays. Du coup, le gouvernement importait beaucoup et les prix grimpaient énormément. D'accord. Et donc là, la planche à billets, ça y allait aussi, tu vois. Ah ouais. Avec au final un très joli taux d'inflation de 8 000 000 % en 11 ans, ce qui est pas mal du tout, quoi. Ah, c'est encore plus rapide, du coup. Ouais. Et en Hongrie aussi, il y a eu une grosse période d'hyperinflation au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, donc de 45 à 46. Le pays n'a jamais réussi à se redresser complètement, hein, bien sûr, parce que ça laisse des traces. Ouais. Et donc, pour payer les dépenses de guerre, donc forcément, là aussi, la planche à billets qui tourne à fond pour produire plein de monnaie. Ouais. Et là, tu sens que tout est en train de partir en sucette, comme je viens de te dire, c'est quand tu viens à en créer des multiples de ta monnaie. Alors, je t'explique. Oui, c'est ça. Il y a eu le Pengo. Voilà, le Pengo de l'époque. C'est un jeu avec un pingouin qui glisse sur une pente. Ouais, c'est ça. Ouais. Vous savez, c'est un dessin animé aussi. C'est un dessin animé. Mais... Alors, il y a eu le Pengo, voilà. Et après le Pengo de l'époque, il y a eu en 1946 le Milpengo, qui vaut 1 million de Pengo. Jusque-là, tu suis ? Ça va, jusque-là. Et ils ont fait aussi, tant qu'à faire, le Biopengo. Un milliard. Qui vient compléter la petite famille et qui vaut 1 milliard de Pengo. Ouais. En juillet 1946, inflation d'environ 150 000 % par mois. Voilà. Et en fait, pour te donner une ordre d'idée, c'est comme si, imagine, le prix de quelque chose qui double chaque minute. Pas mal. Voilà, c'est ça. Et donc... Bien sûr, le 1er août, la solution, c'est que plutôt que d'essayer de 1er août de 46, plutôt que d'essayer de rattraper le tout, on change carrément de monnaie. C'est presque plus simple. Et donc là, le florin apparaît. Voilà. Et donc un florin égale 400 quadrilliards de pengo. D'accord. Voilà. Jusque là, tu suis. Ah oui. Et un florin n'a personne. Ils ont mis un florin et personne n'a rien vu à leur manège. Non. Voilà. Ok. Et pareil pour la Yougoslavie. Hein. Ah ouais. Au début des années 90, donc hyperinflation en Yougoslavie, tu avais le dinar. Mmh. Mais à cause de l'hyperinflation, le gouvernement yougoslave a créé le nouveau dinar. Le nouveau dinar équivaut à 1 million de dinars. Et puis au final, ça suffisait pas. Tu avais le dinar, le nouveau dinar, et maintenant tu as le... New dinar. Le dinar 3.0. Le nouveau dinar. Non, il l'a appelé comme ça. En français, c'est le nouveau dinar, exactement. Ouais. Qui, lui, équivaut à 1 milliard de nouveaux dinars. Moi, je disais ça pour rire. Mais au final, ça suffit pas. Parce d'accord. que tu avais le dinar, le nouveau dinar, le nouveau dinar, et maintenant, il y a le super dinar, qui équivaut à 10 millions de nouveaux dinars. Tu comprends ? Et ils l'ont vraiment appelé le super dinar. Il me semble que c'était vraiment le super dinar qui était là. Super dinar. Mais... Et là, je vais terminer sur ce pays-là. Dans le monde de l'hyperinflation, tu as le grand champion, le pays qui se dresse fièrement, c'est le Zimbabwe. Oui. Voilà, l'inflation au Zimbabwe, ça commence en juillet 2008, même bien avant, mais voilà. L'hyperinflation, c'est en juillet 2008. Et donc, l'inflation est officiellement estimée à 231 millions de pourcents par an. Ah ouais. Mais alors, ça c'est un chiffre Wikipédia que j'ai cité. Selon d'autres économistes, elle serait plutôt de l'ordre de, disons, 80 milliards par mois. Voilà, donc je cite Wikipédia, c'est peut-être pas forcément vrai, mais t'as une idée de l'ordre d'idée justement. Ouais, une notion. Et donc bien sûr, quand on a une hyperinflation comme ça, les prix flambent, le gouvernement essaye de suivre le rythme en imprimant autant de billets que possible, mais c'est pas possible. Voilà. Et donc la banque centrale de Zimbabwe doit imprimer des billets ayant sans cesse une plus grande valeur que les précédents, tu vois. Ouais, bien sûr, on rajoutait des zéros. Voilà, c'est exactement ça. Donc, janvier 2009, un billet de... Alors, je vais pas me tromper, 100 000 milliards de dollars du Zimbabwe, voilà, et un billet de 100 000 milliards de dollars du Zimbabwe, ça équivaut à environ 30 dollars US. Voilà. D'accord. Tu comprends oui, un petit peu le gap qu'il y a. Ça commence à faire beaucoup. Et donc, justement, face à l'ampleur de l'hyperinflation, le gouvernement zimbabwéen a autorisé, en janvier 2009, d'autoriser l'utilisation des devises étrangères. Et donc, ça a quasiment fait disparaître la monnaie, enfin, le dollar zimbabwéen, et maintenant, c'est quasiment que le dollar américain qui est utilisé, tu vois. Mais justement, là, j'ai terminé en te citant l'article, ça n'a rien à voir, mais l'article sur le Zimbabwe qui me dit « Dans cet article, on a une citation d'un certain Monsieur Beatty, qui est le ministre des Finances, et qui a déclaré « La semaine dernière, quand nous avons payé les fonctionnaires, il nous restait 217 dollars dans les coffres du gouvernement. » Voilà, c'est tout pour moi. C'est tout pour toi. Ding. Et voilà, ouais. Je pense qu'on a fait le tour des sujets. Ça fait bizarre de sujet, hein. Faut qu'on s'y habitue. C'est ça. Allez, on passe à la conclusion. C'est parti. Alors, c'est la fin de cette émission de Hors Cadre. Alors, j'espère que vous avez pris du plaisir, parce que nous, ça fait 449 jours qu'on n'a pas... J'espère qu'on n'était pas trop rouillés. Ouais, et ouais. Maintenant, c'est le plus dur qui commence. Est-ce qu'on se retrouve dans, je sais pas, peu de temps, un mois, je sais pas. Ou est-ce qu'on dans moins longtemps, déjà. 449 jours. Non, on va essayer de faire au moins 448, voire moins. Ouais, voire moins. Non, on va essayer de faire plus souvent. Bien sûr, il y a le flux RSS, oui, qui est sur le site internet, qui est... Ça, je le garde. Hein. Désolé, je suis en train de... Ça, je le garde. Non, tu ne gardes pas, mais la mort de mes poumons. Ah, bien sûr que si. Et donc, le site internet qui le est... Le site internet, c'est horscadrepdc.fr. Voilà. Et le Twitter, c'est quoi? Horscadrepdc. D'accord. @horscadrepdc, oui. Voilà. Vous pouvez nous suivre, hein. C'est très très bien. On poste des photos de barres de progression. Vous allez voir, c'est très très joli, très coloré. C'est pas des photos. On modifie des barres de progression qui vous montrent dans quel état d'avancement... précis, on est. Mais on les change pas souvent, hein, vous verrez. Voilà, on les change quand on les change. Voilà, je pense qu'on a fait un bon tour. Ah, ça fait du bien. N'hésitez pas de commenter, comme ça on aura la pêche pour en faire un plus vite que dans 400. Il faudra qu'on trouve un autre sujet. Voilà. Mais voilà. Ronald, je te laisse choisir la musique de fin. Ah, bah moi je te propose d'écouter du téléphone. Oh, j'aime pas téléphone. Bon, ok. T'aimes pas téléphone? Et ça s'appelle Argent Trop Cher. Et on se retrouve la prochaine fois. Salut! Salut à tous !